Le vieillard et l'âne. Fable numéro 8 du livre 6e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le vieillard et l'âne. Un vieillard sur son âne aperçut en passant un pré plein d'herbes et fleurissant. Il y lâche sa bête et le grison se rue au travers de l'herbe menue, se vautrant, grattant et frottant, gambadant, chantant et broutant, et faisant maintes places nettes. L'ennemi vient sur l'entrefaite. « Fuyons !» dit alors le vieillard. « Pourquoi ?» répondit le paillard. « Me ferait-on porter double bât, double charge ?»« Non pas !» dit le vieillard qui prit d'abord le large. « Et que m'importe donc, dit l'âne, à qui je sois? Sauvez-vous et me laissez paître. » Notre ennemi, c'est notre maître. Je vous le dis en bon français. Fin de Le vieillard et l'âne. Fable numéro 8, livre 6e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.